nino sala kabongo bongo okolo bali kambota la simate okofinga baninga bokola bino na bango bona nino sala kamale duke mokonzi adio mokonzi olingiki mokonzi bona nino sala kamale duke bona nino sala kabo très impoli bona nino zala kamale leve bona nino zala kamale duke bona nino zala kamala pri bona nino zala kamal poli bona nino zala très grossier bona nino zala très impudique Sousou sans gêne pour nanino salaka bongo pas qualificatif et nyon soba pesika kayo pour nanino yoka ata sonite yo mou bali mou bimba pas qualification kakanayo pour nanino salaka bongo pour nanino salaka très impoli. Salaka bongo Bato nyonso bakoma kotonga yo Bongisa nanu ezaleli ya karakter na yo Bona nino yo kaka sonite Soki bamoni yo na nzela babandi kolakisa yo misapie Po ozalaka très impoli Alors très Bona nino salaka bongo